Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce nouveau hors-série de La Courte Échelle. Les hors-séries sont là pour nous remettre en mémoire les titres entendus dans les deux saisons précédentes, alors que l'émission hebdomadaire de La Courte Échelle est là pour vous présenter les nouveautés de la scène indépendante. Les chansons qui sont ici dans ce numéro hors-série, vous les avez entendues à un moment ou à un autre dans l'émission hebdomadaire. Alors, ce hors-série va commencer avec Jeline McCarthy. Depuis son enfance, elle baigne dans la musique. Elle a intégré une chorale à l'âge de 8 ans. Elle a ensuite évolué en solo et dans plusieurs projets musicaux. On l'a découvert dans La Courte Échelle avec Juste un peu perdu. Jeline McCarthy. Chacun sa roue, chacun ses angoisses et ses doutes. Au fond, on n'est pas les premiers chez qui l'amour s'est fatigué. On a repris chacun sa route, chacun ses angoisses et ses doutes. Chacun a masqué son chagrin. On se reverra bien un jour, on se reparlera d'amour. Toutes ces choses qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas voulu. On se reverra bien un jour, on se reparlera d'amour. Toutes ces choses qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas voulu. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour. Qu'on s'était juste un peu perdu. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour. Qu'on s'était juste un peu perdu. Que ce n'est peut-être pas un foutu. Que ce n'est peut-être pas foutu. Chacun sa route, chacun ses angoisses et ses doutes. Se disant mais en secret que tout peut encore arriver. On a retenu quelques mots pour ne pas avoir l'air idiot. Celles qu'on n'a pas voulu. On se reverra bien un jour. On se reparlera d'amour. Toutes ces choses qu'on a vécues. Celles qu'on n'a pas voulu. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour. Qu'on s'était juste un peu perdu. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour. Qu'on s'était juste un peu perdu. Et que ce n'est peut-être pas foutu. Sage, on l'a découvert dans la deuxième saison de La Courte Échelle avec Que le temps passe. Erreurs ou souvenirs qui se déchirent en moi, Je rêve comme je respire pour échapper à tout ça. J'écoute des gens si fiers d'être ce qu'ils sont, pendant que mon âme espère s'évader du fond. Que le temps passe. Que le temps passe. J'ai l'impression que tout se déroule à mon insu. J'avance malgré mes peurs, cherche un avenir où on se réchauffe à la chaleur en évitant le pire. Que le temps passe. L'aventure Sweet Scarlett, c'est celle d'une famille réunie par la musique, celle d'un papa guitariste, Patrick, qui transmet sa passion à ses deux fils, Vincent et Rémi. Le premier s'oriente vers la basse, le second vers la batterie. Caroline, la compagne de Rémi, rejoint le trio et apporte sa voix unique. Sweet Scarlett, depuis la deuxième saison de La Courte Échelle, suit son petit bonhomme de chemin avec notamment Into the Deep. Yeah, I understand misery. Pierre-Yves Roux est originaire de Toulouse. Avant l'âge de 10 ans, il a développé spontanément de grandes dispositions pour la musique. Il découvre le solfège, la guitare, l'écriture et compose très tôt ses premières chansons. Le reste, évidemment, se fait au hasard des rencontres. Pierre-Yves Roux. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Elle m'a dit je m'ennuie, je me sens bien triste. Fais-moi un peu rêver, toi qui joues à l'artiste, toi qui as la tête ailleurs. Viens mettre un peu de bleu sur mon cœur en prison, toi qui as le soleil pour seul point d'horizon, pour consoler nos pleurs. Elle m'a dit quand tu pars, le monde t'appartient. Moi je n'ai de projet qu'un bureau incertain où ma vie s'est figée. Mes voyages s'arrêtent sur les murs, les façades, et le bruit du métro me rend un peu malade d'être téléguidé. Viens me montrer un peu ce qui court dans ta tête, petit grain de folie que jamais rien n'arrête. Voyageur du futur aux yeux si lumineux, explique-moi un peu ce qui coule dans tes veines pour transformer ainsi des gens toutes les peines en un sourire qui nous fait revivre un peu, nous fait revivre un peu. Et c'est comme ça qu'on a pris le même chemin. J'avais besoin aussi de parler à quelqu'un. C'est pas toujours facile de vivre de son art. Ma vie est avant tout le quotidien des autres. Mes joies et mes douleurs naissent d'abord des vôtres. Les émotions perdues sont en moi quelque part, sont en moi quelque part. Elle m'a dit l'habitude est le pire des drames. Tous ces mêmes matins, chaque jour me désarme et je reste sans voix. Devant ces tristes gens qui se métamorphosent pour chercher une image au bout de leur névrose, pour ressembler à quoi? À quoi sert le progrès si c'est pour être seul? Vivre chacun pour soi et puis se faire la gueule, entouré d'inconnus qui ont le cœur aussi dur que l'écorce des arbres et les yeux aussi froids que des statues de marbre qui ne se parlent plus. Viens me montrer un peu ce qui court dans ta tête, petit grain de folie que jamais rien n'arrête. Voyageur du futur aux yeux si lumineux, explique-moi un peu ce qui coule dans tes veines pour transformer ainsi des gens toutes les peines en un sourire qui nous fait revivre un peu, nous fait sourire un peu. Et c'est comme ça qu'on a pris le même chemin. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. C'est pas toujours facile de se rendre bien compte quand on a pour défi de tout mettre en étude. Il y a aussi des moments de grande solitude quand on suit son chemin au hasard des rencontres, au hasard des rencontres. Elle m'a dit je suis seule avec mes idées noires, j'aimerais t'en donner un sens à mon histoire et combattre l'ennui. Viens mettre un peu de bleu sur mon cœur en déprime, toi qui n'as peur de rien et qui n'es la victime que des jours qui s'enfuient. Et c'est comme ça qu'on a pris. On l'a vu, Céline Moge, au théâtre et au cinéma. Elle fait du doublage. Elle a commencé à 4 ans par la danse classique. Lorsqu'elle chante, elle prend pour pseudo Logging Seabird. La voici avec I Feel Fat. Quand votre cœur frissonne, moi mon âme vole. N'appartient à personne, je poursuis mon chemin au hasard des rencontres, au hasard. hasard des rencontres. I fight today. What am I gonna do? What am I gonna do? I feel fat today. I ate too much yesterday evening. I ate too much this morning. Now it's noon, it's lunch soon. I already feel as big as the moon. My stomach is so good. I know it's more than I should. Oh, but I can't help having food. So I feel fat today. What am I gonna do? What am I gonna do? I feel fat today. I ate too much yesterday evening. I ate too much this morning. C'est en 2020, notamment dans la courte échelle, que nous avons découvert Lissy Nice Jean. Elle est artiste caribéenne, elle est auteure, compositrice et interprète. Elle a un look assez particulier et la voici avec Au nom de l'amour. Today. Le rendez-vous des artistes indépendants. À genoux, je me tarde de faire. J'ai la promesse de ne pas laisser taire l'harmonie à jamais. Ce qui nous unit, je le protège. Je suis gratifié de tes ailes. Au nom de l'amour, on se pardonne. Au nom de l'amour, on doit se pardonner. Sans ton amour, j'ai pas volé. Sans ton amour, l'amour, j'ai pas volé. Au nom de l'amour, on se pardonne. Au nom de l'amour, on doit se pardonner. Marc, pionnier, est auteur, compositeur et interprète. Il nous propose de partir à Rio et l'idée n'est pas si mauvaise que ça, figurez-vous, puisque là au moins on est sûr d'y trouver le soleil. La courte échelle, quand le rendez-vous des artistes de indépendants. À midi, vire au gris, j'étouffe et j'imagine un océan à Paris. Des voiles à ma fenêtre et en claquant dans mes doigts, voler et disparaître, sombrer dans la samba. Partir à Rio pour rester là, bosser au bureau ou la bossa nova, tirer les rideaux, les gonfler de soleil, trouver le tempo qui m'ouvre les oreilles. Saloperie de téléphone qui n'arrête pas de sonner. J'étais si bien sur la plage, je commençais à oublier. Mais revoilà les trombones et les piles de dossiers. L'encre bleue sur les carbones me fait regretter l'été. Partir à Rio ou rester là, bosser au bureau ou la bossa nova, tirer les rideaux, dégonfler de soleil, trouver le tempo qui m'ouvre les oreilles. Partir à Rio. Partir à Rio. Samba, samba, tu es ma chance. Tu tends la main aux déprimés. Faut jouer sur tes noires, tes blanches pour pouvoir te retrouver. Partir à Rio. À Rio. Partir à Rio. Partir à Rio. Ou rester là. Bosser au bureau ou la bossa nova. Tirer les rideaux, les gonfler de soleil. Trouver le tempo qui m'ouvre les oreilles. Escudero est le petit-fils de Lenny Escudero, évidemment que tout le monde connaît. C'est tout naturellement qu'il a repris en hommage la chanson, une des chansons phares au moins, de son grand-père pour une amourette. Pour une amourette qui croyait m'aimer, pour une amourette, l'amour éternel. vie d'amoureux, faut la prendre comme ça. Un jour de peut-être longtemps, quelques fois, va sécher tes larmes. Un nouvel amour te guette inexable, les peines d'un jour. Une petite amourette un jour reviendra, te tourner la tête, te tendre les bras, chanter la romance du rêve joli. Et je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette n'est jamais trop jolie quand on sait d'avance ce que dure la vie. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes. Mellow Girl est originaire de Laval. Elle évolue dans le style musical afro-caribéen. Elle était dans la première saison de La Courte Échelle. La voici en compagnie de Herbert Skills avec Love Crush. Ma vie a changé pour toujours. Love Crush, je veux prendre un nouveau départ. T'es mon Love Crush, toi et moi, c'est pas un hasard. J'ai vu la lumière au milieu de la foule. C'était ton sourire qui reflétait les rayons du soleil. Je me suis dit que j'allais le jouer à la cour. Oh my god, tu étais une vraie merveille. Une fois devant toi, y'a ma vie qui défile. Je veux tout oublier, les faux pas, les erreurs du passé. Je me dis que la vie veut m'offrir une nouvelle chance. Je dois la saisir, te parler, oublier ces temps de malchance. Paradise, when I look into your eyes, baby. And I know that you'll feel the same way. There's no day, no night, no doubt, no fight. When I'm with you, love crash, tu m'as bombardé. C'est pas un hasard. Premier contact, je dois peser chaque mot. Je peux pas m'empêcher d'espérer, de te convaincre, de faire avec moi un bout de chemin. S'inventer une vie, se poser, construire un avenir. Je vois dans tes yeux que tout est possible. Tu me tends la main et j'y crois, le cœur au bord des lèvres. Ma vie a changé en une fraction de seconde. Désormais je sais que tu seras toujours ma lumière. Septième merveille du monde. Je suis fait tout un monde, tout ce bonheur qui m'inonde. Tu es mon love crush dans mon monde. Paradise, when I look into your eyes, baby. And I know that you'll feel the same way. There's no day, no night, no doubt, no fight. When I'm with you, love crush, tu m'as bombardé d'amour, t'es mon love crush, ma vie a changé pour toujours. Love crush, je veux prendre un nouveau départ, t'es mon love crush, toi et moi, c'est pas un hasard. Artistes indépendants. En quête de bonheur au cœur d'une vie marre. Havre, c'était Mademoiselle Café. Nicolas Pérez, vous le connaissez bien puisque c'est lui qui, depuis 3 saisons, nous accompagne avec le générique et parfois le liner de l'émission. Le voici avec Cécile Doan dans Vers de nouveaux horizons. Koskas est auteur, compositeur, interprète, il est musicien, il est guitariste et pianiste. Il a commencé très jeune ses études musicales en tant que guitariste classique au conservatoire et dès l'âge de 12 ans, il a remporté ses premiers concours. Le voici avec Décollage immédiat. Le son allège nos souliers de plomb et nos cœurs d'acier. Le ciel nous appelle, prenons de la hauteur pour vaincre le réel qui joue avec nos peurs. On décolle, on s'envole, c'est pas des paroles en l'air. On décolle, on s'envole, c'est pas des paroles légères. Les chansons, c'est fait pour ça, décolle. Immédiat. Ah, ah. désarme nos poings en briques et nos amants parpaings. Ne restons pas à terre, allez, quittons le sol. C'est la clé de sol qui ouvre les portes de l'univers. On décolle, on s'envole. C'est pas des paroles en l'air. On décolle, on s'envole. C'est pas des paroles légères. Les chansons, c'est fait pour ça, décollage immédiat. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! En février 2021, nous étions à la mi-temps de la deuxième saison de La Courte Échelle et nous découvrions à l'époque Prigal. Le voici avec Appelle-moi. Années. avait tamisé l'horizon de ma vie de bohème. À tort ou à raison, mais je l'ai fait quand même. J'ai creusé la terre pour y trouver de l'or, de mes reins éreintés, cassés de tant d'efforts. Risquer ma peau, m'inventer des chimères au fil de l'eau, mais voir le soleil qui s'incline derrière la colline, c'est le plus beau des trésors. Me recouvrir d'étoiles quand la nuit s'installe, c'est le plus beau. Laisser derrière moi les chemins oubliés, ne pas tourner le pas pour toujours avancer. Tamiser tout le bleu du jour qui se lève, ici noyer un peu, bercé par des rêves. Mais voir le soleil qui s'incline derrière la colline, c'est le plus beau des trésors. Me recouvrir d'étoiles quand la nuit s'installe, c'est le plus beau des trésors. Mais voir le soleil qui s'incline derrière la colline, c'est le plus beau des trésors. C'était Did Ferdi, le plus beau des trésors. Vous écoutez La Courte Échelle, les hors-séries. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine des talents à découvrir. Régis Fléchot est avec nous depuis le début de cette émission, il y a 3 saisons, le voici avec Amour Passion. Je plonge dans tes yeux, au cœur de ton âme. Je plonge dans les tiens, comme dans une cascade. Si loin. J'entends déjà ton cœur battre la chamade. Tu as ramé très vite pour être si proche de mon cœur. J'étais trop impatient pour atteindre ce bonheur. Sur une île déserte, nous nous sommes aimés. Sous les cocotiers, on s'est embrassés. Sur le sable chaud, tout a chaviré. Sur le sable chaud, tout a chaviré. Arrêter l'horloge du temps. Comme des enfants qui aiment jouer dans l'eau, de joie, de volupté, de caresses sensuelles. Nous avons beaucoup crié, nous étions amoureux, et les mouettes nous survolaient, s'envolant tire-d'elle, bénissant ce bel amour. Dans le bleu de nos yeux, sur une île déserte, nous nous sommes aimés. Sous les cocotiers, on s'est embrassés. Sur le sable chaud, on a déliré. Sur le sable chaud, on a déliré. Chacun y va de son complot. Les news sont fake et plus rien ne vaut. Le temps d'avant, aller de l'avant, vent dans le dos, toute voile de haut. Chacun y va de son couplet. Refaire le monde, tu l'as déjà fait. Tout voir, tout savoir, je passe mon tour, je vais pas m'asseoir. Danse avec moi, c'était Dorian Ruiz. Voilà, c'est tout pour la hors-série de la courte échelle pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour l'émission hebdomadaire qui vous présente toutes les nouveautés de la scène indépendante internationale et dans tous les styles. Et on se retrouve, évidemment, bientôt aussi pour un nouveau hors-série pour nous remémorer ensemble les titres qui ont fait les deux premières saisons de l'émission. Soyez heureux, gardez le sourire et à très bientôt. Danse avec moi, et laisse-toi emporter au bout de la vie, tout changer. Oh. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants.